Il emmena ses camarades en Inde pour écouter le Maharishi Yogi, et jusqu'à son décès, il restera habité par cette spiritualité qui l'aidera à traverser les moments difficiles de sa carrière et de sa vie personnelle. Nous allons écouter une démo de la chanson « It Don't Come Easy ». Bien que ce soit une chanson de Ringo Starr, elle a bénéficié d'un grand soutien de son ami George Harrison, qui l'a aidé à composer et à produire l'ensemble en 1970. « It Don't Come Easy » a été un des très grands succès de Ringo Starr. Voici la version de George Harrison sur British Connection. La carrière solo de George Harrison a débuté triomphalement avec le triple album All Things Must Pass. Mais après quelques disques, le public s'est détourné en partie des productions des anciens Beatles. George a mis sa carrière entre parenthèses dans les années 80 pour devenir producteur de cinéma, puis il est revenu avec succès avec l'album Cloud Nine, puis avec The Traveling Wilburys, un super groupe constitué avec Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison et Tom Petty. Vous retrouverez toute cette histoire dans George Harrison, l'âme tranquille des Beatles, chez Encre Rock. Je vais vous laisser avec You, une chanson que George Harrison avait composée pour Ronnie Spector en 1970, la carrière qu'il enregistra sur son album Extra Texture en 1975. À bientôt sur British Connection. Oh, okay.